tellement fait la visite de Fun, pas parlé plein de personnes que franchement, ta voix ne me donne. Déjà, bon, c'est pas mon vrai prénom. Mm-hmm. D'accord. Pourquoi ça s'appelle Babouchka? Non, c'est pas ça, c'est que. Non, pas du tout. Ouais. Mais je t'ai appelé tout à l'heure. Bref, je m'en fous. Bon, tu avais envoyé des photos de quoi à l'époque? T'étais venu avec un. C'est des photos nues que je faisais à l'époque. Et donc, je t'ai les emmenées. Et donc, j'ai plus de. Comment dire? Vu que moi, je suis partie après à l'étranger, plus de nouvelles, plus rien. C'était des photos de mode, quoi. C'était des photos assez clean, quoi. C'était pas des photos déshabillées sexe, vilaines, quoi. Ah, bah, j'étais assez. J'étais nue. Non, bah, je veux dire, c'est pas les doigts de pied en éventail écartés, les cuisses et machin et tout ça. C'était quand même. J'avais quand même les cuisses écartées sur une chaise. C'est chic, quand même. Mais t'avais un slibard, quand même. Ouais, en face de moi, ouais. Non, mais t'avais un slip, t'avais quelque chose ou t'étais tout nu? Non, ça c'était des photos de nu. Je m'en souviens pas du tout. Eh ben, rappelle-toi. Bah, attends, je suis pas quand même. Non, pas rappelle-toi, tu rappelles-moi plutôt. Je vais te donner mon numéro en face. Ah, je rigole. Je suis venue. Mais oui, non, mais je dis, non, mais oh là là, je suis. Moi, si on était dans son bureau à l'époque. Dans mon bureau? Mais attendez, il était pas fermé ce bureau. Comment? Non, il était pas fermé. Il y avait tout le monde, il y avait accès à ce bureau. Non, mais c'était ton. Non, mais attends, la réputation que tu vas me faire, attends, ma copine, elle écoute là en ce moment, t'es en train de dire que t'arrives avec des photos à poil dans mon bureau, c'est moi, c'était jusqu'à 30 du matin, etc. Mais attends, écoute-moi, c'était pas le premier soir. J'ai pas gagné. Après. Ah, on a fait l'amour le deuxième soir, pas le premier soir. Ah bon? Non, mais attends, des fois, on va me faire passer pour un salopard. Non, c'est le deuxième soir. Ah bon? Et après, rassure-moi, après, je t'ai pas rappelé. T'es tombé sur Après moi, j'avais mes trucs de photo, je suis partie à l'étranger. Voilà. Voilà. J'ai bossé pour une radio. Voilà. Et c'est là, les gars, voilà. Bah voilà, c'est elle. Et c'est à cause d'elle. Tu sais, je vous avais raconté que j'étais tombé amoureux d'une nana et qu'après, le lendemain, elle était partie à l'étranger, je tombais sur sa messagerie. Vous vous souvenez? Voilà. Bah, c'est elle où j'étais malheureux, j'étais déprimé. Ouais, je me souviens. Bah, voilà, c'est elle. J'étais larme à l'œil toute la journée. Ouais, exactement. Je me souviens, ah, c'est toi. Ah ouais, bah, putain, heureusement que dans les 24 heures après, il y en avait une autre, hein, parce que sinon, je commençais à déprimer. Bien mieux, en fait. À cause de toi, pendant 8-9 heures, j'ai commencé à me mettre à chialer. Hein. Ah bon? Ah bah ouais, j'étais pas bien. T'habites toujours au même endroit? Bah non, j'ai déménagé maintenant, je suis devenu un grand, j'ai des moyens maintenant, j'ai un bel appartement. Bah attends, t'habites dans... Ah bah mais là, c'est encore mieux, c'est encore 10 fois mieux. Mais t'es venu chez moi? Roy Demu, ça te dit quelque chose? Mais t'es venu chez moi? Roy Demu, ça te dit quelque chose? Non mais t'es venu chez moi? Moi je m'arrête là. C'est qui celle-là? Mais j'en sais rien moi non plus, je vois pas qui c'est. Ouais, c'est du pipo, c'est qui? T'as une Mégane. C'est qui? Ouais, mais à part ça, à part de rentrer dans les détails, t'es qui? T'es qui? Mais non, mais sérieusement, donc je suis. Mais attends. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous êtes en train de me monter un plan ou quoi? Non, là, putain. Je connais ton prix. Ah, t'es de l'arpeur antenne. Ok, j'explique aux gens. Mais t'es qui, pétasse? Mais qu'est-ce que t'es pétasse, t'es qui? Putain, je rigole. Attends, je vais répondre. Non, bah tu. Ouais? Allô? Bah écoute, bien. Ah merde, putain! Mais non, mais j'ai envie à l'hôtel! On va rappeler là! Mais non! Rappelle-la tout de suite! Mais non, c'est la manif sur le standard! C'est moche! C'est moche! Rappelle-la! Oh là là! Alors, on la rappelle tout de suite, mais non, mais je vois pas qui c'est en plus! Oui, ça se trouve, elle est à la maison! C'est pas vrai! Ouais, qui c'est cette dame? J'aimerais bien savoir qui c'est quand même. Je sais pas moi. Bon, bref, elle va en venir où? Tu vas en venir où? J'en sais rien. Elle est là. C'est pas de me raccrocher au nez. J'ai pas fait exprès dans la manip. Alors, qu'est-ce que tu vas en venir où? Tu voulais en venir où? Bah, où est-ce que. Enfin, mes photos. Mais sont à la poubelle. Je me souviens pas d'une photo à poil. Une fille qui m'aurait en photo d'envoyer des photos à poil et qui m'aurait plu quand même, je m'en souviens pas. Je t'ai pas renvoyé, je t'ai les emmené en main propre. Mais je m'en souviendrai. Je m'en souviendrai, attends. Je m'en souviendrai, non, forcément, une photo de fille à poil qui casse les cuisses, quand même, je m'en souviendrai, elles sont à la poubelle. Je m'en souviens pas, honnêtement, bah non, mais je m'en souviens pas du tout, j'ai pas souvenir dans ma carrière. Non, mais attends. Non. Cécilia, enfin, ton pseudonyme, je ne dis pas que c'était jamais arrivé, cette histoire, que je sois venu avec la radio, mais je te dis, tu me demandes si je m'en souviens, est-ce que j'en ai fait? Je te dis que je n'ai pas archivé de photos de femmes à poil, donc ça veut dire qu'elles sont forcément à la poubelle, et que moi-même, dans ma carrière de 8 ans de libre antenne, de radio libre, je n'ai jamais souvenir d'une fille, donc tu m'as même pas marqué, ça m'a pas marqué qu'une fille vienne avec des photos d'elle à poil. C'était pas toi, si ça se trouve, c'était un autre. En plus, il y a 2 ans, vous étiez là. Bah oui, on était là. Est-ce que vous en souvenez? C'est pas ça pour dire, c'est une mytho, cette pauvre fille. J'avais venu à la radio. Bah, Philippe d'Arrêt Manu, je serais le seul à les souviendra une d'une à poil. Les autres animateurs, je veux dire, ça serait des nouveaux assistants que j'aurais aujourd'hui, ouais, qui seraient pas là il y a 2 ans. Même à l'époque, il y avait Philippe d'Arrêt Manu. Mais justement, c'est pour prouver qu'ils étaient là et qu'on s'en souvient pas non plus. Incroyable, les deux. Attends. Bah viens ce soir, on verra si il est puis c'est tout. T'as qu'à venir ce soir. Max, à poil. Je suis mytho. Bah oui, t'es mytho. Viens à la radio tout de suite avec ton bouquin de à poil, là. Tes photos, comme nu. Tu viens toute nue à la radio tout de suite. Ou tu viens, voilà, et puis on fait les photos. Dans un impair. On a un manteau de fourrure. Mais viens tout de suite. Ok, ok. Non, mais Gérard, il vient te chercher. En plus, Gérard, il a une caisse. Non, pas Gérard. Non, non pas Gérard, pourquoi que... bah, et alors, non, attends. Non, j'ai eu des... Non, non, c'est bon. De quoi? Non, non, mais des mauvais souvenirs avec Gérard. Donc, pourquoi non, il y a eu... Quoi qu'est-ce que tu racontes, toi, alors? Il y a une petite aventure avec Gégé ou... Non, pas du tout. Non, depuis qu'on devait venir te voir à la loco, et donc je me suis retrouvée à Cambrousse. À Cambrousse quoi? Ouais. C'est-à-dire? Bah, tu sais, il venait souvent avec un copain à lui. Quoi, ouais, et alors? Et alors, ça s'est très mal passé, quoi, et alors? Oh là, stop. Oh, toi, tu essayes de chercher les poules dans la tête à tout le monde en ce moment. Elle croit qu'elle, c'est une fouteuse de merde. Ouais, j'ai l'impression. Si, t'es une petite fouteuse de merde. Attends, tu peux... Ouais, tu peux dire qui c'était, mon pote. Vous parlez tous en même temps, je comprends rien. Tu peux dire qui c'était, mon pote. Vas-y, dis, c'était qui? Ton pote. Oui, ça vient avec moi à la loco, comme tu dis si bien. Allez, la mytho. Oh, Gérard, attends, Gérard. Et la mytho, là, vas-y, ouais, donne des prénoms, là. Tu te rappelles avec la voiture, il y a le gros chien derrière. c'est ça. Quelque chose. Oh, c'est bon, c'est ça. Et c'est qui, JF? Comment? JF? Ouais. Ah, d'accord. Alors, attends, Jean-François, toi, t'es une grosse mytho. Ah, ouais. C'est qui parle? C'est moi qui parle. T'es en train d'essayer de foutre ta merde là pour l'instant. Pas du tout. Non, parce que si t'es sur Paris, ma petite, tu fais une chose. On a son numéro, on va le donner pour que les gens puissent aller lui rendre une petite visite. Tu peux aller à Fun Radio. Mais attends. Et on verra si je me remets de toi, d'accord? Bah attends, tu dois. Non, mais attends, là pour l'instant, t'es en train de nous prendre pour un con. Je te prends pas pour un con. Non, mais tu me laisses. Célia. Oui. On va arrêter de parler dans le vide. T'es une grosse mytho, tu vas venir à la radio tout de suite. Ok, d'accord. À tout de suite. Oh, bah, très bien. On va voir. Attention, hein. Bah écoute, attention, quoi. À tout de suite, hein, d'accord. Ciao. Allez, à tout de suite. C'est qui cette grosse vilaine, là, encore? Bah, qu'est-ce que c'est? Allez, à tout de suite. À tout de suite. Tais-toi, vilaine. À tout de suite. À tout de suite. On va voir. Ah, on va vérifier, quand même. Moi, j'ai pas de souvenir. Moi non plus. Eh, même Manu Fildar veulent qu'elle vienne absolument. Ah ouais, on n'a pas souvenir d'une fille qui était venue. Non, une fille à poil. C'est quoi cette grosse mytho, là? J'ai pu s'écarter, là, maintenant. La peau, la grosse chaudasse. Non, mais attends, c'est quoi ces histoires? Tu rappelles tout de suite, là? On va gérer le gros dossier, Philippe. Non, mais on va gérer ce dossier. Non. On va gérer tout de suite. Attends, on devait pas avoir une Ménie, du coup, la promesse, cette petite. Ben non, elle est là. Ah, c'est elle, d'accord. Ménie, t'es là? Ménie? Oui. Ménie. Alors, on essaie. Ménie, Rivers to Cross. On essaie de gérer. Elle est là, la petite? Tu veux l'appeler où? Bah, non, mais voir, pouvoir en rentrer, c'est un number. Tu lui dis qu'elle se prend son cul. Attends, l'autre, elle est là, genre, machin, j'étais venu faire des photos de mur. J'ai pas. Vous avez souvenir, vous? Franchement, non. Bon, alors. C'est incroyable. Pourquoi tu me donnes 200? Ouais, c'est un 5, ça. Alors. Oui, c'est un 5, oui. Ah, bah, messagerie, bravo. Messagerie, oh là. Mmh. Numéro de téléphone, hein, attention, hein, en antenne, on vous le donne, hein. C'est une grosse mytho, celle-là. Il faut y aller, les enfants. Hein. Non, on va pas le donner, on va pas être pute. Non, quand même, on n'est pas comme elle. Viens ici tout de suite. Bah, va venir tout de suite. Peut-être parce qu'elle se fait belle. Bon, c'est possible.